Épilogue. Lille. 30 années passèrent et l'hôtel était toujours en activité au milieu de la campagne wallonne, attirant chaque week-end une clientèle fortunée. Les affaires étaient au beau fixe pour Clémence et Louis, aidés dans leurs tâches quotidiennes par leurs deux enfants. Le couple avait même reçu la visite de la famille royale de Belgique. Leur établissement était devenu un relais château de renommée internationale. En 1976, Louis reçut sa 3e étoile des mains de Paul Bocuse en qualité de grand chef cuistot pour ses succulentes cassolettes de Saint-Jacques à la crème d'ail. Alors que par une belle journée de printemps, ce dernier se rendit à Lille chez l'un de ses fournisseurs, il passa place Riour afin de prendre un café à la terrasse d'un bistrot dont lui avaient parlé ses parents. En effet, Louis avait conservé dans ses lointains souvenirs le nom et l'adresse d'un mythique café de cheminots résistants, aujourd'hui disparu, le Gaspard, dans lequel, selon les dires de tous, son ami Michel Denecker jouait au 421 durant la guerre. Par une sorte de curiosité mêlée de nostalgie, il s'approcha de l'établissement bondé de monde. Effectivement, au numéro 27 de la place Riour se trouvait bien une brasserie assez moderne, dont l'actuel propriétaire l'avait rebaptisée d'une dénomination des plus exotiques et assez vulgaires, le Brazza. Louis poussa la porte de ce lieu flambant neuf, salua le patron, un jeune blondinet affublé d'un grand tablier de cuir, occupé à prendre des commandes, tout en enregistrant des tickets de PMU. Il s'installa face à une petite table collée à la porte-fenêtre du troquet et commanda finalement un galopin de bière. En balayant du regard la vaste salle au milieu de laquelle trônait un billard américain, il observa attentivement une bande de jeunes surexcités tentant de gagner des tournées offertes par le patron. Dans le fond du café, il remarqua immédiatement un pauvre clochard sexagénaire à la peau burinée par l'alcool et les journées entières passées dans la rue. Louis fut intrigué par ce pittoresque personnage d'un autre temps dont le faciès lui rappelait une personne qu'il avait connue dans le passé. Dans les mains de ce pauvre bougre, qui en était à sa 4e chope, il y avait 3 petits dés, retournés sans cesse, avec une agilité et une dextérité hors du commun. Tel impitoyable rabatteur, ce pochetron crasseux, affublé d'une veste de toile bleue trouée, tentait d'inviter à sa table chaque adolescent de passage, volontairement indifférent à sa présence, afin de jouer avec lui au 421 ce jeu d'une époque révolue. Ce sans-abri était là, telle une âme errante, totalement oubliée et invisible, dans le regard des quelques jeunes clients trop occupés à discuter de leurs amours ou du dernier vinyle classé au hit-parade. Louis se leva et s'approcha de ce curieux personnage, plutôt surpris d'une telle attention soudaine de la part d'un inconnu. « Bonjour, monsieur. Puis-je m'installer à votre table ?» Comme pour amuser la galerie, le clochard répondit aussitôt avec un accent ch'ti de circonstance. « Mais ben sûr, même petit gars, assieds-toi. Cher monsieur, vous êtes joueur de 421 ?» Le clochard, dont l'accent avait soudainement disparu, répondit « Oui, monsieur, je suis joueur depuis la guerre. Comment avez-vous deviné ?»« Vous me rappelez tout bonnement un homme que j'ai connu quand j'étais gamin. Il était champion du Nord de 421, manipulant comme vous ses 3 dés entre les doigts. » Le clochard répondit aussitôt avec prétention « Cher monsieur, il n'y a qu'un champion du Nord qui n'a jamais été battu. Il est devant vous. » Louis reconnut aussitôt Michel Denecker et se mit à pleurer de joie. Le sans-abri fut surpris et étonné par tant d'émotions de la part d'un inconnu. Il rétorqua « Je vous fais tant d'effet que cela avec mes petits dés. Dans mon passé, mes collègues m'admiraient pour mon jeu subtil. Mais là, je n'en reviens pas de votre réaction. J'ai trouvé un nouvel admirateur, un fan. » « Mais, Michel, tu ne me reconnais pas ? Je suis Louis Delbar. » « Le jeune garçon que tu as transféré de nuit à la ferme des Van Aldervelt durant la guerre, tu ne te rappelles pas de moi ?»« C'est pas vrai. Mon petit Louis, cela fait plus de 30 ans que je t'attendais. Je savais qu'un jour nous nous reverrions d'une manière ou d'une autre. » Michel Denecker se mit à sangloter en reconnaissant immédiatement son jeune ami. Il se leva et étreignit Louis dans ses bras avec une immense affection. « Louis, je ne savais pas ce que tu étais devenu après la guerre, car les résistants et même les Allemands te recherchaient. Oui, je te raconterai toute la vérité, mon Louis. Je ne suis pas un traître, et ce n'est pas moi qui a dénoncé ma pauvre sœur Justine aux Boches. De même, en ce qui te concerne, quand je t'ai transféré en Belgique avec Prosper le passeur, en prenant des risques insensés, Je n'étais pas au courant qu'il s'agissait d'un enlèvement déguisé en acte de sauvetage. Du reste, après la guerre, les FFI m'ont retrouvé, et j'ai été gracié et totalement blanchi, faute de preuves et de témoignages contre moi. Alors, qui a pu trahir ta sœur Justine, ainsi qu'Hélène Van Adervelt et ses parents, sans compter Prosper ? Tu ne me croiras pas, Louis. Il s'agit de l'intrigant docteur Duvilliers, qui était un traître, un agent double, au service des Allemands. Mon beau-père ? Oui, Louis, il faudra que tu gardes ce secret en toi, le restant de ta vie, afin d'épargner Clémence. Louis, abasourdi par cette nouvelle et comme assommé par le poids de cette révélation, commanda sur le champ un cognac. Assieds-toi à mes côtés, je vais tout te raconter. Avant la guerre, le docteur Duvilliers recevait régulièrement dans son cabinet des représentants en prothèses dentaires. Ces derniers venaient directement d'Allemagne pour une tournée de prospection commerciale sur le territoire belge et dans la région lilloise. Les Allemands étaient très forts dans ce domaine médical. C'est à cette époque qu'il a fait la connaissance d'un certain Kurt Kohls, un jeune commercial spécialisé dans les dentiers sur mesure. Ils sont vite devenus amis. C'est en 40, quand les nazis ont occupé le Nord et la Belgique, qu'ils se sont retrouvés. Kohls était devenu inspecteur à la Gestapo de Lille, et le docteur Duvilliers était proche des milieux d'extrême droite belge, et en particulier du mouvement Rex, dirigé par l'affreux Léon de Grelle, qui plus tard deviendra chef des SS Wallons sur le front de l'Est. Duvilliers a très vite collaboré avec son ami Kohls, et s'est introduit dans un réseau de résistance afin de pouvoir renseigner la Gestapo de Lille et Bruxelles. C'est Léon Duvilliers qui a tiré toutes les ficelles, en faisant en sorte que Kohls puisse me rencontrer dans ce bar dont nous sommes actuellement présents. Tous deux ont échafaudé un plan machiavélique pour intégrer ma sœur Justine au sein de la Gestapo, simplement en la recrutant afin de la suivre et ainsi remonter au cœur des réseaux de résistance du Nord. Quand le docteur Duvilliers a appris que son demi-frère Hubert Delbar et son épouse Claire, c'est-à-dire tes parents, allaient être arrêtés chez eux à Tourcoing, il a eu des remords et a très vite retourné sa veste en prévenant Justine par son réseau de partisans. Plus tard, il a été plutôt soulagé par la mort de Kohls, qui en savait trop sur lui. Mon père est donc le demi-frère du docteur Duvilliers, donc mon beau-père était en quelque sorte mon oncle. Cela veut dire que ma femme Clémence est aussi ma cousine. C'est invraisemblable. Oui, mon pauvre Louis, ton père Hubert et Léon Duvilliers t'ont caché cette triste vérité. C'était un secret de famille bien gardé. Même Clémence et Claire Delbar, ta maman, ne l'ont jamais su. C'est pour cela que Duvilliers a planqué tes parents au cœur de son château, plutôt que de les voir se faire arrêter dans le sud par la Gestapo. De ce point de vue-là, il a été loyal et courageux. C'est même à ce moment précis qu'il a fait volte-face, en trahissant son ami Kohls et en devenant un valeureux résistant. Il a également fait en sorte de te rapatrier en premier lieu à la ferme du col de Luynes, avant d'envoyer sa fille Clémence à ta rencontre dans les bois pour que tu échappes aux griffes des nazis et que tu puisses ainsi retrouver tes parents. Il savait que tu étais en danger au sein du couvent des Clarisses de Roubaix, car l'arrestation de sœur Rose était imminente. Plus tard, il s'est servi de toi en te manipulant, car il voulait absolument récupérer les notes que tu avais prises au sein du local technique de l'antenne radio près de la ferme, où tu étais retenu en otage par ce couple d'imposteurs. Finalement, en envoyant le message d'alerte à Londres, il a fait en sorte que ce site soit détruit quelque temps après par un Spitfire anglais, afin d'effacer toute trace de sa collaboration avec Kohls. Son nom devait certainement figurer parmi les nombreux contacts douteux inscrits dans le gros carnet que tu avais trouvé sur place. Merci, Michel, pour toutes ces explications. Toute ma vie, je te serai reconnaissant de m'avoir éclairé. Je conserverai dans ma mémoire ce lourd secret de famille, sans le divulguer à personne, afin de préserver ma femme Clémence et particulièrement les merveilleux souvenirs qu'elle garde de son très cher père disparu. Sur ces ultimes paroles, Louis se leva et quitta soudainement Michel en lui offrant un dernier verre de l'amitié. En se regardant les yeux dans les yeux, tous deux furent profondément convaincus qu'ils ne se reverraient certainement jamais. Ici se termine Le gardien des ondes par Éric Harasim. Cet ouvrage est avant tout basé sur des faits, des lieux, des personnages parfois réels et bien souvent imaginaires. Seuls les événements historiques ont été totalement respectés pour la mémoire, en hommage à la résistance dans le Nord, Pas-de-Calais et en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé, est purement fortuite. Mes plus vifs remerciements à Grégory Sellers, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, dont les recherches sur la Gestapo de Lille et Bruxelles ont inspiré ce roman. Éric Arasim, Tout droit réservé, édition 2022. Édition Anaëli, Anvers, Belgique. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistrement du texte et mixage par Christiane Johan pour audiocité.net. Sous licence CC BY NC ND 3.0.